bon gars. Oui, baby. Ox. Ouais. Certains veulent mailler pour venir tailler un empire. La vie c'est batailler juste pour nager dans un fleuve tranquille. Et on veut tous une fiole remplie. Je veux du sol, je veux pas jouer léger du pauvre. Dans cette pro, seul l'effort senti, les faibles repartent sans titre. Ceux qui chialent aujourd'hui le front de main, c'est lors de la bagarre. On verra la bataille chez ces bâtards. Quelques moutons de moins, je suis avec le fiston. Les gènes trompent pas et là on gère ton cas. T'es un trou de mémoire, t'es la fumée noire, t'as conclave. On écoute même pas ton taf de joint. Je vais pas porter une couronne d'épée. Couper ton mauvais avant ton clap de fin. Vas-y, passe ce joint, on fume la salle. Envoie des salves en rafale. De loin, jusqu'à y en rasa, ton rap est passable. Le mien déplace les rapaces du coin. Ramasse des famas, t'es une caïra qui ralasse. Et ressemble au Hamas de loin. T'es pas là, c'est pas les favelas. Mais les tasses et l'odeur des cigares. Colombien quand t'offres le placard au mien. Ça va dérailler au train. Où ça va, même mort on craint. Où ça main, on saute le salam. Mais on nous cherche des liens. On vit entre négro et sarrasin. On nous dénique depuis des mille, six des mille. On videra pas ta cave. J'envisage d'avancer droit sans zigzag pour te mettre mal. Et d'agencer le boy en freestyle comme 8 Mile. Ici c'est la lave, c'est la marque de Fabrice. C'est l'Etna, père et fils. Le mytho père c'est fils. Au micro mène pas. J'envisage d'avancer droit sans zigzag pour te mettre mal. Et d'agencer ce boy en freestyle comme 8 Mile. Ici c'est la lave, c'est la marque de Fabrice. C'est l'Etna, père et fils. Le mytho père c'est fils. Au micro mène pas. J'ai la peau des doigts. Évidemment que ça crée de gros dégâts. Je ne connais pas les caractéristiques d'Alpha et Omega. Et sache que quand je mets le casque, je veux la monnaie cash et la vitesse. Ici c'est Paris, je ne connais pas la richesse monégasque. Le mérite, j'ai du pavé, manger des briques et du pavé. L'inspiration est synthétique, art numérique et le pavé. Moi, j'essaie de ramener le rap qui s'est perdu, qui s'évertue. Un jamais écarté, vice et vertu. Existe et perdure dans ton univers. Donne du caviar au porc uniquement si ton prix est unitaire. Et Lucifer me guette du point de l'œil, attends le moindre faux pas. Mais il faut pas qu'avec lui je fasse copain, il faut qu'il ait l'œil dans le copain. Ne fais pas trompe pas, n'aggrave pas ton cas. J'paye mon 16 avec le Ronda. Les gènes ne trompent pas, c'est R lui-même et Oxin. C'était Calipette, c'est trop simple. J'reviens de la réalité, éradiquer les grosses pinces. J'envisage d'avancer droit sans zigzag pour te mettre mal. Et d'agencer le boy en freestyle comme 8 Mile. Ici c'est la lave, c'est la marque de Fabrice. C'est l'Etna, père et fils. Le mytho père c'est fils. Au micro mette pas. J'envisage d'avancer droit sans zigzag pour te mettre mal. Et d'agencer ce boy en freestyle comme 8 Mile. Ici c'est la lave, c'est la marque de Fabrice. C'est l'Etna, père et fils. Le mytho père c'est fils. Le micro mette pas. Non non, le micro mette pas. Le micro mette pas gros, hein. Le micro mette pas. On fait les choses nous-mêmes. Le micro mette pas. Le micro mette pas. Ils parlent tous de crimes qui ne commettent pas. Chantix, Maison Alphonse. 9, 4, 700. 200. 300. Ouais, ouais.